À la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine, le jeu de l'imitation du réalisateur Morten Tildum en version française et en version originale anglaise. Durant la guerre, que faisiez-vous ? Je travaillais dans une usine de radio. Que faisiez-vous réellement durant la guerre ? Est-ce que vous m'écoutez ou non ? Si vous dites un mot de ce que je m'apprête à vous montrer, nous devrons vous exécuter. C'est magnifique. C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toutes leurs communications importantes. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, et nous en serons sûrs. Monsieur Turing, savez-vous combien sont morts par la faute d'Enigma ? Non, aucune idée. 3. Depuis le début de cette conversation. En quoi consistera ce travail exactement ? Décoder le plus indéchiffrable des codes nazis. Oh ! Pour résoudre une énigme aussi géniale que celle-ci, il faut vraiment un génie. Pourquoi construisez-vous une machine ? Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire. Vous pourriez nous venir en aide, mais vous refusez. Vous ne comprendrez jamais l'importance de ce que je suis en train de créer ici. Je ne suis que mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions. Ce sont justement ceux à qui on ne pense jamais, qui font les choses auxquelles personne n'aurait jamais pensé. Deux jours, une nuit, des réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne, en version originale française. Content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe. T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux. Jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer ? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, c'est parce qu'on a bossé pour l'heure. Mais je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric. Non, je la ferme pas, dégage. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime ? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre. L'enlèvement 3 du réalisateur Olivier Mégaton en version française et en version originale anglaise. Salut. Lenny, content de te voir. Moi aussi. Kim va bien ? Ouais, plutôt bien, ce qui me semble. Lenny ! Reculez ! J'ai rien fait, je vous jure. Les mains en l'air, allez ! Recherché pour meurtre, nom du suspect, Brian Miller. À 21 ans, il entrait dans l'armée. À 23 ans, il joignait les forces spéciales. C'est un tireur habile. Un expert en explosifs. Aucun dossier militaire ni décharge officielle, rien du tout. Croyez-moi, ce gars, c'est comment disparaître. Écoute attentivement, Kim. Quelque chose d'horrible est arrivé à ta mère. Il se passe quoi, au juste ? Ne fais confiance à personne. Fold down your hands. J'ai fait certaines choses dans ma vie, et j'ai toujours été prêt à en assumer les conséquences pour protéger ma famille. Qu'est-ce que tu sais ? Ce que je sais, c'est que bientôt, tous ceux que tu aimes seront morts. Quelle est votre priorité, inspecteur ? Mon travail, c'est de vous arrêter. Moi, ma priorité, c'est de protéger le seul être cher qu'il me reste. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Finir ce que j'ai commencé. Si vous continuez comme ça, la police de Los Angeles, le FBI, la CIA, vous les aurez tous aux trousses. Ils finiront par vous trouver et ils vous arrêteront. Bonne chance. La Dame en Noir, Ange de la Mort, du réalisateur Tom Harper, en version française. Tout le monde est à bord ? Où est-ce que vous allez ? On s'en va à Crétine, Gifford. Ils n'ont plus de famille, alors on les emmène vivre dans une maison à la campagne. Est-ce que d'autres personnes vivent sur l'île ? L'endroit est inhabité depuis des années. C'est ici, la maison du marais. Il y a quelqu'un ? Êtes-vous certain que personne d'autre ne vit ici ? Je crois que vous devriez garder vos visions pour vous. Invincible, de la réalisatrice Angelina Jolie, en version française. Tout cet océan. On approche à 3 heures. Mon frère me croyait capable de tout réussir. Il me croyait meilleur que je le suis. Continue sur cette voie. Et tu finiras clochard. Tu t'entraînes. Tu te bats plus que les autres. Et tu gagnes. Ça pourrait être le sprint le plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques. Si tu tiens, c'est gagné. Préparez-vous à l'impact. On va mourir. On va pas mourir! Tu crois qu'il y a une intention derrière tout ça? Pour qu'on ait survécu et pas les autres? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous êtes ennemi du Japon. Vous serez traité en conséquence. Bienvenue, si on veut. Nous avons parmi nous un athlète olympique. Regarde-moi. Tu n'es rien. Cet homme doit apprendre le respect. Chaque prisonnier va lui donner une leçon. Survivre à cette guerre, tenir jusqu'au bout, ce sera notre revanche. Si je tiens, c'est gagné. Vas-y. Plus fort! Allez, cogne! Plus fort! Cogne-moi! Chère mère, cher père, c'est votre Louis qui vous parle. C'est le premier signe de vie que je donne depuis 2 ans. Je ne suis ni blessé ni malade. S'il la lâche, tuez-le. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Tiens bon. Mark Wahlberg, le flambeur, du réalisateur Rupert Wyatt, en version française. Ma famille a un compte dans cette banque depuis que mon beau-père l'a fondée. Êtes-vous parent ? C'est mon fils. Soit vous ne voyez pas notre ressemblance frappante, soit vous insinuez qu'elle est sous la contrainte. Je veux faire un retrait de 260 000 dollars. En cash. Est-ce que tout va bien ? Quand quelqu'un vous demande une telle somme d'argent, c'est que rien ne va plus. Une famille aisée, de bonnes études, intelligent. Carte, s'il vous plaît. 21. Talentueux, encore. De la classe. Le joueur gagne. J'ai vu remporter 1 million de dollars. J'ai déjà gagné 2,5 millions de dollars. C'est mon jour de chance, je mets tout sur le noir. Le rouge est sorti toute la soirée. Tu préfères que je te paye maintenant ? Non, je crois que je préfère regarder le spectacle. 19, rouge. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es tombé sur la tête ? Tu commences mal la semaine. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de mon cours, désirer quelque chose ne veut pas dire l'obtenir. Je veux juste aller au restaurant. Je veux que tu t'en ailles. Parce que je connais votre double vie. Tu dois de l'argent aux mauvaises personnes. Et tu veux jouer à qui tout double ? Je n'ai pas d'autre choix. J'ai déjà perdu des gens que j'aimais. Il lui est arrivé quoi, papa, déjà ? Réglons ça comme des gentlemen qui savent ce qu'ils font, ok, Franck ? Non, je veux qu'on fasse comme si nous n'étions pas des gentlemen et que nous étions des gens très, très stupides. Que vont-ils te faire si tu ne les paies pas ? Ils me briseront tous les os. Comment tu vas faire pour me rembourser, Jim ? Est-ce que j'ai l'air d'un magicien ? Pourtant, tu semblais le croire il n'y a pas si longtemps. Non. Si vous voulez vous faire virer pour conduite indécente sur une étudiante, je suis assez partante. Bon, ben, moi aussi. Si je te disais que je suis pas un flambeur, je veux connaître le véritable amour. Faire quelque chose de ma vie et autant mourir si j'y arrive pas. Est-ce que je viens de dire ça ? Si je te donne cet argent et que tu ne me rembourses pas, il n'y a plus de règles entre nous. Tu comprends la gravité de la situation ? Je sais ce que j'ai à faire. Qui te double ? Je mise tout.